Le thème de la foi d'aujourd'hui est une mise en garde contre le retour au péché après le mois d'Avril. Louange à Allah, l'Éternel, le sage qui a fait de la succession des mois et de l'alternance du jour et de la nuit une leçon pour ceux qui réfléchissent. Il n'y a de Dieu que lui, la réussite pour celui qui respecte les commandements de la religion. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il a ouvert les portes de sa clémence à celui qui est constant dans son obéissance et il prie de lumière de sa guidance celui qui suit ses désirs et ses envies. Je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, imam des lieux, maître des prophètes et messagers. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour sa famille, pour ses compagnons et pour ceux qui se maintiennent dans sa religion. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Chers musulmans, si le mois de Ramadan est vite passé comme une imagination, si vous êtes décidé à redevenir négligent au mois de Shawwal, sachez qu'Allah est éternel. Il n'est pas appelé à disparaître et il n'est atteint en rien par la succession des lunes et des mois. Ramadan passe, Allah reste. Ne vous dites pas, maintenant le Ramadan est fini. Vous commencez Shawwal par des péchés et par la désobéissance. Sachez qu'Allah est satisfait de celui qui lui obéit à n'importe quel moment, n'importe quel mois, et il se fâche contre celui qui lui désobéit tout le temps et à tout moment. Toi, le musulman, pendant le mois de Ramadan, nous t'avons connu mieux. Adorateur de bon Dieu, adorateur de ton Dieu, demandeur de l'absolution, demandeur de la clémence d'Allah et de sa miséricorde, craignant sa malédiction et son châtiment. Tu nous as habitués pendant le mois de Ramadan à ce que tu restes en prière, que tu respectes les prières en leur temps, que tu respectes la prière du vendredi et la prière en groupe. Tu assistais aux conférences religieuses et tu étais réceptif aux conseils. Pendant le Ramadan, tu étais poli, bien élevé et propre. Et maintenant, que comptes-tu faire après le Ramadan? Vas-tu retourner à la désobéissance après avoir goûté au délice de l'obéissance? Vas-tu rejoindre le parti de Satan après avoir été au parti d'Allah? Vas-tu abandonner la prière après avoir compté parmi ceux qui la respectaient? Vas-tu accepter d'être parmi les désobéissants malheureux après avoir compté parmi les bienheureux obéissants? Vas-tu devenir Satan après avoir été à l'ange pendant le Ramadan? Certainement, car tel n'est pas le cas du croyant sage. Ce n'est pas ainsi que sont les bienheureux. Serviteur d'Allah, celui qui vénère et qui adore le temps, il n'est pas croyant. Celui qui vénère et adore son Dieu, qui le voit à tout le monde, lui a ordonné de lui obéir, de le vénérer tous les mois, tous les ans, et à tout le monde. Pourquoi désobéir à Allah après lui avoir obéi pendant le mois de Ramadan? Pourquoi s'égarer à droit après avoir trouvé la bonne voie? Pourquoi la déviance après la droiture? Pourquoi la récréance après la foi? Pourquoi vénérer Allah et lui obéir pendant un seul mois et lui désobéir pendant 11 mois? Il n'y a de pouvoir ni de puissance que par Allah. Évitez la désobéissance dont l'issue est ténébreuse. Continuez à obéir à Allah après le Ramadan. Accrochez-vous à votre religion. Faites en sorte que le Ramadan soit un rempart et une limite entre vous et les péchés. Le péché chasse le bien et le transforme en mal. Soyez de ceux qui vénèrent à moi à tout moment. jusqu'à ce que vous soyez de ceux qui écoutent un conseil et ne suivent pas mieux. Ceux pour qui la lecture du Coran augmente la foi et qui ne s'en remettent qu'à Allah. Ceux qui ont la foi et qui ont cru en Allah et en son messager, ils n'ont pas douté et ont lutté pour Allah avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là sont les apprentis à l'orage 15. Serviteurs d'Allah, sachez que la voie, sachez que la vie, ci-bas, est une plantation de l'au-delà. Autrement dit, on sème dans la vie ce qu'on récoltera dans l'au-delà. Sachez que la vie est action sans compte à rendre, alors que l'au-delà est un compte à rendre sans action possible. Alors craignez Allah et prenez de votre vie pour votre mort. Prenez de votre bonne santé pour votre maladie. Prenez de votre richesse pour votre pauvreté. Préparez-vous pour un long voyage et pour rendre compte un terrible jour, un jour où rien ne compte que ce que chacun a fait pour sa mort et son au-delà. Le jour où l'injuste se mord la main par regret de ses mauvaises actions. Allah dit, le jour où la terre sera remplacée par une autre, de même les cieux, où les hommes comparaîtront devant Allah l'Uni, le dominateur suprême. Ce jour-là, tu verras les coupables enchaîner les uns sur les autres. Leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura à dire. Certes, Allah est prompt dans ses comptes. Ceci, c'est-à-dire est un message pour les gens. Afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique et pour que les sages se souviennent. Ibrahim 48 à 52. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleures des actions pour Allah sont les actions constantes et continues, même si elles sont minimes. Wa salatu wa salam ala rasulillah. السلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Consacre la fin du mois de Ramadan, j'adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite aux musulmans de France. Je souhaite que cette fête du pardon, du partage et du souci de l'autre contribue à la concorde dont notre nation a tant besoin. Je tiens à réaffirmer mon attachement à l'égalité républicaine qui protège tous ses citoyens et résidents sans discrimination. La laïcité, bien sûr, la liberté de conscience, comme elle garantit la liberté religieuse, demeurera indéfectiblement la règle de notre pays. Bon, merci.